Namo dasa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo dasa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo dasa bhagavato arahato Sama Sambuddhasa. Okay, thank you. Now, today we are going to study Patipada Jnana Dasana Visuddhi. Okay, Patipada Jnana Dasana Visuddhi. Aujourd'hui, nous allons étudier la purification par la connaissance du chemin. Hier, nous avons vu les différents stades, et notamment le stade des apparitions et disparitions, Udayabhayajnana. Nous avons vu qu'à ce stade, il y a deux phases, la phase tendre ou précoce et la phase de maturité. La phase tendre ou précoce va avoir pour conséquence que le méditant va expérimenter toutes sortes de choses inhabituelles et très souvent assez agréables. S'il s'attache à ces phénomènes, il sera victime de ce que l'on appelle en pali les upakilesa, vipassana upakilesa, les corruptions de la pratique. Mais s'il comprend, grâce à son discernement, qu'il ne s'agit pas là de la véritable voie, qu'il doit abandonner ces choses, ne pas s'y attacher et revenir à la pure pratique de l'attention, il aura atteint le stade de maturité de Udayabhaya. Aujourd'hui, nous allons voir plus en détail en quoi consiste le chemin proprement dit, puisque le méditant est dorénavant installé sur la voie. Il y a neuf connaissances, celles qui viennent d'être énumérées, qui font partie de cette purification par la connaissance et la vision du chemin. La première de ces connaissances, c'est donc l'apparition et la disparition, Udayabhaya. Le méditant qui pratique et qui est donc arrivé à la phase de maturité de Udayabhaya, des apparitions et disparitions, observe tous les phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent à l'intérieur de lui. Il les voit tous apparaître et disparaître, apparaître et disparaître. C'est devenu très clair. L'apparition, c'est la naissance du phénomène, la disparition, c'est sa mort ou sa dissolution. À ce moment-là, le méditant est très concentré. Il s'est libéré des corruptions de la pratique et il s'est libéré en même temps des empêchements. Son esprit est donc très clair et très alerte. Il continue à observer ainsi, avec cet esprit très clair, et petit à petit, il ne verra plus très clairement l'apparition du phénomène, mais il verra par contre très clairement sa disparition. On peut dire alors qu'il commence à expérimenter Bhanganyana, la connaissance de la dissolution. À ce stade, le méditant ne voit plus les apparitions des phénomènes, il ne voit que leur disparition. Donc le yogi, qui en est arrivé à ce stade, ne voit plus que des dissolutions. Tout ce qu'il observe, il voit tous ces objets qui disparaissent instantanément. Et ceci est vrai non seulement en posture assise, mais également pendant la marche. Et il voit donc ceci dans le présent, au moment où il observe. Il comprend, en réfléchissant, que ceci est vrai également pour le passé et que ce sera vrai également pour le futur. Il ne voit que des dissolutions et il prend peur. Okay, man. Yes, Dante. Oh, that. Oh. Always meditation time. Yeah, in meditation hall. Walking time outside. Or meal time. Okay. Even in dinner hall. You see this impurity. Okay. The danger. So the poor that always is not happy Always adi noa means as danger. He see these problems and these dangers, okay? This danger. So means even walking time. With the concentration you are taking, okay? Le méditant poursuit sa pratique. Il pratique en posture assise, il pratique pendant la marche, il pratique au moment du repas et dans toutes les activités qu'il est amené à faire tout au long de la journée. Il n'est pas très heureux parce que il ne voit que des dissolutions. Il comprend que tous ces phénomènes, toutes ces apparitions et disparitions sont très dangereuses. Il a alors très peur. Ce stade est appelé Adinava. Il est possible même qu'un méditant qui pratique la marche ait l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Il n'a plus beaucoup d'assurance lorsqu'il pratique parce qu'il a peur de faire un pas, se disant que le sol va se dérober sous ses pieds. Il comprend qu'il n'y a aucune sécurité. Le méditant va arriver à Nibbidhāyāna, le stade du désenchantement. Il est donc occupé à observer toutes ces dissolutions, il a peur, il se sent en insécurité, il n'est pas heureux, il voudrait essayer d'échapper à tout cela et il se dit que le meilleur moyen d'y arriver, c'est de quitter le centre, d'arrêter la méditation. Il voudrait donc à ce stade arrêter la méditation. Dans le Visuddhimagga, il y a une histoire qui illustre tout ceci. Nous sommes en Asie et donc il y a un pêcheur au village qui s'apprête à aller au bord de l'eau pour jeter son grand filet. Il arrive au bord de l'eau, sur l'étang, et il jette son grand filet dans l'espoir de pêcher un gros poisson. Il reste là pendant une dizaine de minutes à attendre et à un moment, il sent du mouvement sous l'eau. Il pense qu'il a attrapé un gros poisson. Il est très heureux. Il ramène son filet et attrape l'animal par la nuque. Il est effrayé parce que ce n'est pas un poisson, c'est un serpent venimeux. Le pêcheur prend peur car il croyait avoir attrapé un gros poisson et s'en réjouissait, mais son état d'esprit a totalement changé. Il attrape peur et comprend que cet animal est dangereux. Il va alors essayer de s'en débarrasser au plus vite. Il le fait tournoyer au-dessus de sa tête et essaye de le lancer loin de lui pour ne plus être en danger. C'est la même chose avec le méditant. Tant que le méditant n'a pas atteint ce stade, il est encore très attaché, non seulement aux êtres qui lui sont proches, sa famille, ses enfants, mais également à tous ses biens, ses voitures, ses maisons, etc. Il pense que c'est très agréable de posséder tout cela. C'est comme le pêcheur qui pense encore qu'il a attrapé un gros poisson qui justifie qu'il soit heureux. Lorsque le méditant étudie à fond ces phénomènes physiques et mentaux à l'intérieur de lui, il commence tout doucement à comprendre leur véritable nature. Il voit qu'ils ne méritent pas qu'on s'y attache, car ils amènent toutes sortes de problèmes, la vie est pleine de problèmes, les plans inférieurs existent, et si on ne fait pas attention, il est possible qu'on reprenne naissance dans ces plans-là. Comprenant tout cela, de mieux en mieux, ce méditant va progressivement se détacher de ces choses auxquelles il était très attaché précédemment. Donc le pêcheur, pour en revenir à notre histoire, le pêcheur a attrapé cet animal par la nuque. Il voit que c'est un serpent venimeux. Il va alors décider d'essayer de s'en débarrasser au plus vite. Il l'étend complètement, l'attrape par la queue, le fait tournoyer au-dessus de sa tête et le jette le plus loin possible. Le serpent s'enfuit. Le pêcheur est alors très heureux. Il a évité ce danger. Ce stade est appelé Munsitu Kamyata Jnana, la connaissance du désir de délivrance. Ce méditant désire se libérer du samsara. Le méditant va ensuite arriver au stade de la réobservation. Le pêcheur va donc réexaminer ce serpent. Il l'a attrapé par la nuque et voit qu'il porte trois marques sur la nuque. Ces trois marques représentent en fait Anicca, Dukkha et Anatta. Le méditant va, comme ce pêcheur, réexaminer les formations, tous les phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent à l'intérieur de lui, qui sont en réalité notre vie de tous les jours. Il va essayer de les voir sous l'angle de Anicca, de Dukkha et de Anatta. C'est le stade de la réobservation. Voyons tout ceci d'un point de vue très pratique. Nous avons vu jusqu'à présent le stade des apparitions et disparitions. À ce stade, les expériences n'étaient pas trop mauvaises. Nous sommes passés ensuite à Bhangajnana, le stade de la dissolution, puis à Bhayajnana, le stade de la peur. Ce sont deux stades qui sont plutôt négatifs, plutôt difficiles à vivre. À Bhangajnana, le méditant ne voit que des dissolutions et cela l'effraie. C'est Bhayajnana, le stade de la peur. Ces stades sont donc plutôt insatisfaisants. Le yogi observe tout cela, car il s'est mis à réobserver tous ces phénomènes, et en fait, il entre dans une période qui va durer un certain temps, qui sera relativement longue, et au cours de laquelle il ne verra jamais que des problèmes. C'est très difficile. C'est comme quelqu'un qui aurait l'intention de gravir une montagne, il se trouve en bas de la montagne, et il y a beaucoup de difficultés et d'efforts qu'il va devoir fournir pour atteindre le sommet. Donc c'est un très long chemin, mais le yogi l'entreprend. Permettez-moi de raconter une histoire personnelle. En 1970, je me trouvais donc à Rangoon, c'était la mousson, et comme le font tous les moines, cela fait partie de leur code de discipline, ils doivent faire une retraite de 3 mois pendant la mousson. Et donc, Bhante se trouvait au centre Mahasi pour cette retraite de 3 mois, en tant que professeur. Il y avait une soixantaine de moines qui allaient participer à la retraite. Il faut savoir que ce type de retraite n'était pas accessible à tout le monde. Il fallait obligatoirement être âgé au moins de 30 ans et avoir obtenu le Dhammacharya, le diplôme d'enseignant de la méditation. Un moine lui avait expliqué que c'était la troisième fois qu'il essayait cette expérience de méditer pendant 3 mois. Les deux premières fois, il l'avait fait en dehors de la retraite classique de la mousson. Il faut savoir que pendant la mousson, les moines ne sont pas autorisés à quitter le centre dans lequel ils résident. Ils ne peuvent quitter que 6 nuits au maximum. Donc le moine s'était décidé à faire ce troisième essai pendant la mousson au centre Mahasi, et comme la discipline est très stricte au centre Mahasi, il n'était absolument pas question qu'il quitte prématurément. C'est pour cette raison qu'il avait choisi de faire cette troisième expérience à cet endroit-là, car les deux premières fois, il avait quitté après une semaine. Pour participer à ce genre de retraite, il fallait obligatoirement être moine, avoir obtenu le Dhammacharya, le diplôme d'enseignant de méditation, qui suppose une connaissance approfondie des Écritures, et avoir au moins 30 ans. L'élève était alors considéré comme suffisamment mûr pour se lancer dans cette expérience et devenir éventuellement un enseignant, un professeur de méditation. Moi-même, j'ai donc participé à ce type de retraite. Et comme je m'étais inscrit plus tôt que les autres, j'ai très vite atteint le dernier stade de connaissance Vipassana, qui, traditionnellement, lors des retraites en Birmanie, permet aux méditants d'écouter la cassette qui parle de toutes les connaissances Vipassana, de la succession des 10 étapes de connaissance Vipassana. Ces 10 étapes leur sont expliquées en détail. En fait, ça revient un petit peu à ce que nous avons étudié au cours de cette retraite. Nous avons également vu les 7 visuddhis et les 10 étapes de connaissance. Mais traditionnellement en Birmanie, cette connaissance des 10 étapes n'est réservée qu'à ceux qui ont atteint ces stades très avancés de la pratique. Une fois que l'élève a pu écouter l'explication détaillée des 10 étapes de connaissance et qu'il a suivi une formation pour devenir un guide de méditation, il est autorisé à devenir un professeur. C'est de cette façon qu'on procède chez Mahasi Sayadaw. Donc, c'est un très long voyage que le méditant va devoir entreprendre lorsqu'il réobserve les formations. Il doit disposer des 5 forces. Il a déjà été question précédemment de ces 5 forces. La première, c'est Sadda, la confiance. Le méditant doit se dire qu'il peut y arriver, qu'il réussira dans son entreprise. Il doit avoir confiance en lui. C'est très important. S'il a confiance en lui, il fournira l'effort. C'est la deuxième force, Viriya, l'effort ou énergie. Il va essayer d'être attentif le plus possible. C'est la troisième force, Sati. S'il réussit à être attentif sans interruption, Samadhi, la concentration, va se développer. Et lorsque la concentration sera devenue forte, Panya, la sagesse, va se manifester. Le méditant va alors investiguer tous les phénomènes qu'il observe. Il va essayer de voir si c'est vrai ou faux, si ce qui a été annoncé correspond à la réalité. Il va tout vérifier par lui-même. Dès que ces 5 forces seront devenues puissantes, le yogi aura réussi à installer en lui des conditions très favorables pour sa méditation. Il est devenu capable de tout embrasser, que ce soit positif ou négatif. On parle alors d'un Kalyana Putujana. Putujana, c'est l'être ordinaire, celui qui n'est pas encore un être noble. Et Kalyana, c'est celui qui pratique. Donc, c'est quelqu'un qui pratique la méditation et qui est avancé dans sa pratique. Il observe donc tous les sankharas, les formations mentales, autrement dit, tous les phénomènes qui le constituent, sa propre vie. Il observe non seulement ce qui est positif, mais également ce qui est négatif. Il a l'équanimité, upekkha. Il est capable de gérer avec équanimité tout ce qui se manifeste, toutes les situations, que ce soit en méditation ou dans la vie de tous les jours. Il est à un stade très avancé. Il observe ses formations et constate qu'il n'y a jamais rien que des phénomènes. Il ne voit nulle part un ego ou un atta. Il ne voit que des phénomènes, parfois positifs, parfois négatifs, qui se succèdent à l'infini. Il comprend qu'ils sont anatta, sans ego, sans atta. Il comprend également que tous ces phénomènes amènent forcément la souffrance. Ce méditant est alors mûr pour abandonner véritablement l'agréable et le désagréable. Il n'a plus d'attirance pour l'agréable, il n'a plus de dégoût ou de répulsion pour le désagréable. Il est devenu indifférent par rapport à tous ces phénomènes, neutre par rapport à toutes les formations. Il peut tout embrasser en se montrant parfaitement équanime. C'est un stade qui est très avancé dans la méditation et qui est extrêmement souhaitable. Celui qui réussit à atteindre ce stade très avancé verra sa confiance, sa saddha, se renforcer à l'infini. Un méditant qui a atteint ce stade, qui est donc devenu très mûr, très mature, va pouvoir faire preuve d'équanimité non seulement lorsqu'il est en méditation formelle, mais également dans la vie de tous les jours lorsqu'il sera rentré chez lui. Voyez ce qui se passe dans le monde. Il y a les présidents des nations, il y a les millionnaires, il y a tous les gens qui sont connus, qui ont beaucoup de biens, etc. S'ils devaient perdre ces biens, imaginons par exemple un millionnaire qui fasse faillite et qui a perdu tous ses biens, il est possible qu'il tombe déprimé et parfois même se suicide. Tout ceci est simplement dû au fait que ces personnes n'ont pas appris à faire face aux difficultés, aux vicissitudes de la vie, à de tels cataclysmes. Mais s'il devait entamer la méditation et voir que dans la vie, dukkha existe bel et bien, la souffrance, les problèmes, il pourrait peut-être décider d'apprendre à contrôler leur esprit dans le but d'atteindre ce stade très avancé de la pratique appelé Sankharupeka Jnana, la connaissance de l'équanimité. S'ils se mettaient à pratiquer, ils pourraient comprendre directement par eux-mêmes que tout est anicca, impermanence, souffrance et non-soi. Ils pourraient également comprendre et voir très clairement que dans la vie, il y a parfois le bonheur, parfois le malheur, parfois le gain, parfois la perte, parfois la notoriété, parfois on n'est pas du tout connu. Donc, ils commenceraient à voir clairement la réalité de la vie. Elle est faite de haut et de bas. Si cette personne se montre sage, il va apprendre à contrôler son esprit par la méditation. C'est pour cette raison qu'ici en Occident, on parle de plus en plus de méditation. C'est parce que les gens commencent à se rendre compte que s'ils veulent vivre en paix, de façon harmonieuse, que ce soit avec eux-mêmes ou avec les autres, ils doivent apprendre à contrôler leur esprit et atteindre ce stade de l'équanimité. Pour arriver à ce stade de Sankharupeka, le stade de l'équanimité, il faudra beaucoup de temps. Il faudra méditer de façon ininterrompue pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans arrêt. Les méditants pourraient penser qu'ils ont déjà fait une retraite de 3 semaines, une retraite de 4 semaines et que l'année prochaine, ils vont en refaire une. Mais ceci n'est pas suffisant. Lorsque le moment sera venu, ils devront se décider, s'ils veulent atteindre vraiment ce stade, à passer au moins 2, voire 3 mois en méditation en Birmanie, dans un centre, de façon à pouvoir développer leur pratique et atteindre ces stades très avancés. Voyez comment Marie-Cécile a procédé. Elle s'est rendue souvent en Birmanie pour des retraites de 2, 3 mois. Et depuis une dizaine d'années, elle se rend tous les ans en Amérique pour faire là également une retraite de 1 ou 2 mois. Donc, il faudra bien comprendre que si on veut atteindre vraiment ce stade très avancé, cela va prendre beaucoup de temps. OK, for studying this Visuddhi as well, for practicing, applying the teaching, may all of you be well, happy, peaceful, successful, finally attain Nibbana with them. Sadhu, sadhu, sadhu.